Rory? Ouais, je connais Rory. Pas un type à sous-estimer. Il a une foutue dégaine, faut le dire. Il faut pas le juger sur ses cheveux et le côté tout pelucheux. Tout ça, c'est trompeur, c'est une façade. Rior Chi, j'arrive avec pleine face à répondre. Ok, tu kiffes mes phrases, mais je t'ai pas dit de les reprendre. T'es sur le terrain, c'est que t'es comme moi. Tu peux m'enlever de ses vis, mais t'enlèves pas ses vis de moi. À travers mes mots, tu te vois comme dans un miroir. Si le ghetto il a pas de lumière, c'est que le car il est noir. Tu passes à la barre où tu meurs. Garde un œil sur tes armes, sois pas trop gourmand avec le beurre. Fais manger tes straps, t'étonnes pas si t'as comme le bœuf. Combien le bœuf, la bœuf fait tourner la tête. Pas de justice dans le tete, s'il a pas laissé preuve. Il te blaguera quand tu lui diras où t'étais. T'es-tu endetté, t'es-tu demandé pourquoi? Jalousie, trahison, quand tu gardes tout pour toi. Sans sens sur un sens, et quand le côté obscur apparaît. Pari dans tout et n'importe quoi. On est prêt à se lancer. Sur le terrain, on veut des points, on dirait qu'on joue le calcio. Si ton frère est ingrassé, vérifie qu'il n'y a pas une seule dans son caleçon. Garçon, c'est pas arrivé qu'un kit. Pour écrire, je mets pas mille ans, Pencha, c'est intergalactique. Sur un titre, on veut des points, on dirait qu'on joue le calcio. Si ton frère est ingrassé, vérifie qu'il n'y a pas une seule dans son caleçon. Garçon, c'est pas arrivé qu'un kit. Pour écrire, je mets pas mille ans, Pencha, c'est intergalactique. J'ai la mort, les morons de mes nuits blanches noires. J'suis au gris, j'me noie pas dans l'agneau, les lales font vide, mais j'ai besoin de boire. Liquide marron comme la substance entre les doigts. Les yeux raides, dès que tu raides, j'réalise que j'ai besoin de toi. Je veux pas être une star quand j'regarde le ciel et te parle. J'en ai marre de voir que des étoiles. Ironique, t'étais brillant, tu m'as fait plein de briefings. Si on se capte là-haut, on fera le bilan. Sinon, j'sais que tu partes en couille dans tous les sens. Chez nous, c'est la crise, bien avant l'adolescence. Le sens de l'autonomie, j'voulais quand t'allais en silence. En silence, en silence. J'allais écrire plein de punchline, t'es pas au courant, frère, moi. Tu plein de sursis, tu peux m'appeler courant d'air. Moi, suis pas le courant, faut suivre le courant. Suis au courant, le chétan me tape au corps à corps. J'ai besoin d'aide, j'ai besoin d'aide. Sur le terrain, tout le monde veut des points, on dirait qu'on joue le calcio. Si ton frère est ingrassé, vérifie qu'il n'y a pas une seule dans son caleçon. Garçon, c'est pas arrivé qu'un kit. Pour écrire, je mets pas mille ans, Pencha, c'est intergalactique. Sur un titre, tout le monde veut des points, on dirait qu'on joue le calcio. Si ton frère est ingrassé, vérifie qu'il n'y a pas une seule dans son caleçon. Garçon, c'est pas arrivé qu'un kit. Pour écrire, je mets pas mille ans, Pencha, c'est intergalactique. Passons, c'était perso, je me confie bien, s'opère dans ma chambre, un hall, je parle mais avec personne, je personne bien elle m'a. Mais à chaque fois, laisse-moi dire que le pire sonne. Bref, décale, j'ai le déclic, clic, clac, mon son, mon talent se déplie. C'était kiki, les vrais kiff, kiff. Quand je kick, kick, je kill, kill, j'envoie du réel MC, vous baratine comme des clics-cli. On les a écrits comme des vilsi. Et tu sais comment ça se passe ici. Nuit white, dans ma tête c'est le waya ouais. Besoin de la con, s'arrête maintenant. White, allez, vers Hawaii à l'aise. Jour, j'dors, suis un chômeur, j'en ai marre. La nuit, pas de repos, marche en rêve, propose des cauchemars. Et man, vers 5 du match, et plus il est tard ou tôt. Trop tard, j'écris des outres, trop t'es outré ou trop choqué, tu le belles. Tu savais, j'commence à venir des bouteilles au moment où tu te réveilles. Des rêves effrayants, pour mettre en éveil. Besoin d'une bouteille, pas défiant, j'finis toujours celle de la veille. Vérifie, on a la même à mon avis. Si coûte que coûte, tiens plus de conso, cons, un cassage de la main. Besoin d'une, de déjà. Donc, tu peux garder ton label. La belle. La base, ce soir il me déprime, y'en a des pires.